vrai scandale, c'est la mort. Les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence. Le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer tous ces hommes, ces corps si doux, ces lèvres chaudes, ces genoux, ces mains souples, ces pieds agiles, ces yeux graves, ces yeux rieurs, cette poitrine où bat le cœur, ces artères, cette peau fragile. Le vrai scandale, c'est la mort. Les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence. Le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer ces femmes, ces hanches dociles. L'alarme qui se mêle aussi au milieu des cris de plaisir. Les bras, les chevilles, les reins, les cheveux, le dos et les seins. L'ombre noire des secrets désirs. Le vrai scandale, c'est la mort. Les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence, le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer tous ces enfants, ces mains en fleurs, les regards clairs si vite en pleurs, les ventres doux comme des oiseaux, les doigts maladroit, léger, les mouvements vifs comme l'eau, leur rire, leur jeu, leur baiser. Pourquoi